Mais Charles, dont la mère était morte, avait sa grand-mère du côté maternel, qu'il entretenait dans cette vie oisive, par une complaisance aveugle pour ses fantaisies. La bonne femme, qui jouissait d'un revenu considérable et économisait shilling à shilling pour ce cher enfant, fournissait amplement à ses besoins, moyennant quoi il se trouvait en état de supporter les dépenses d'une maîtresse. Le père, qui avait des passions que la médiocrité de sa fortune l'empêchait de satisfaire, était si jaloux du bien que cette tendre parente faisait à son fils, qu'il résolut de s'en venger, et n'y réussit que trop, comme vous le verrez bientôt. Cependant, Charles, qui voulait sérieusement vivre avec moi sans trouble, me quitta l'après-dîner pour aller concerter, avec un avocat de sa connaissance, des moyens d'empêcher Madame Brand de nous inquiéter. Sur le récit qu'il lui fit de la manière dont elle m'avait séduite, le jurisconsulte trouva que, loin de chercher à s'accommoder, il fallait en exiger satisfaction. La chose arrêtée, ils se transportèrent chez cette mère abbesse. Les filles de la maison, qui connaissaient Charles et croyaient qu'il leur amenait quelqu'un à plumer, le reçurent avec toutes les démonstrations de civilité requises en pareil cas. Mais elles changèrent bientôt de ton, lorsque l'avocat, d'un air austère, déclara qu'il voulait parler à la vieille, avec laquelle il disait avoir une affaire à régler. Suivant sa requête, Madame parut, et les demoiselles se retirèrent. Aussitôt, l'homme de loi lui demanda si elle n'avait pas connu, ou pour mieux dire, trompé une jeune fille, nommée Fanny Hill, sous prétexte de la louer en qualité de servante. La Brand, dont la conscience n'était pas des plus nettes, fut effrayée à cette question inattendue, et surtout quand les termes de justice de Pen Newgate, de Old Bailey, de pilori, de fouet, de poursuite pour tenue d'une maison malfamée, de promenade en tombereau, etc., frappèrent son oreille. Enfin, pour abréger l'histoire, elle crut en être quitte à bon marché, en leur remettant en main ma botte et mes petits effets, non sans leur offrir gratuitement un bol de punch, avec le choix de ce qu'il y avait de plus attrayant dans le logis. Mais ils refusèrent ces gracieusetés. Charles, enchanté d'avoir terminé si heureusement ce procès, revint entre mes bras recevoir la récompense des peines qu'il s'était données. L'artificieuse Madame Jones. Nous passâmes encore une dizaine de jours à Chelsea, et ensuite il me loua un appartement garni, composé de deux chambres et d'un cabinet, moyennant une demi-guinée par semaine, et situé dans D Street, quartier de Saint James. La maîtresse du logis, Madame Jones, nous y reçut, et avec une grande volubilité de langue étonnante, nous en expliqua toutes les commodités. Elle nous dit que la servante nous servirait avec zèle, que des gens de la première qualité avaient logé chez elle, qu'un secrétaire d'ambassade et sa femme occupaient le premier. Je paraissais une lady bien aimable. Charles avait eu la précaution de dire à cette babillarde que nous étions mariés secrètement, ce qui, je crois, ne l'inquiétait guère, pourvu qu'elle louât ses chambres. Mais ce mot de lady me fit rougir de vanité. Pour vous donner une légère esquisse de son portrait, c'était une femme d'environ 46 ans, grande, maigre, rousse, de ces figures triviales que l'on rencontre partout. Elle avait été entretenue dans sa jeunesse par un gentleman qui, à sa mort, lui avait laissé 40 livres sterling de rente en faveur d'une fille qu'il en avait eue et qu'elle avait vendue à l'âge de 17 ans. Indifférente naturellement à tout autre plaisir qu'à celui de grossir son fonds, à quelque prix que ce fût, elle s'était jetée dans les affaires privées. En quoi, grâce à son extérieur modeste et décent, elle avait fait souvent d'excellents hasards. Il lui était même arrivé de faire des mariages. En un mot, pour de l'argent, elle était ce qu'on voulait. Prêteuse sur ses gages, receleuse, entremetteuse. Quoiqu'elle eût dans les fonds une grosse somme, elle se refusait le nécessaire. Il ne subsistait que de ce qu'elle corniflait à ses logeurs. Pendant que nous fûmes sous les griffes de cette harpie, elle ne laissa pas échapper une seule petite occasion de nous tondre, ce que Charles, par son indolence naturelle, aima mieux souffrir que de prendre la peine de déloger. Quoi qu'il en soit, je passais dans cette maison les plus délicieux moments de ma vie. J'étais avec mon bien-aimé. Je trouvais en sa compagnie tout ce que mon cœur pouvait souhaiter. Il me menait à la comédie, au bal, à l'opéra, aux mascarades. Mais dans ces brillantes et tumultueuses assemblées, je ne voyais que lui. Il était mon univers, et tout ce qui n'était pas lui n'était rien pour moi. Mon amour enfin était si excessif qu'il en venait à annihiler tout sentiment, toute étincelle de jalousie. Une première idée de ce genre me fit, en effet, si cruellement souffrir que, par amour-propre et de peur d'un accident pire que la mort, je renonçai pour toujours à m'en préoccuper. L'occasion du reste ne s'en présenta pas. Car si je vous racontais plusieurs circonstances dans lesquelles Charles me sacrifia des femmes beaucoup trop haut placées pour que j'ose faire la moindre allusion, ce qui, vu sa beauté, n'était pas si surprenant, je pourrais en vérité vous donner une preuve convaincante de sa constance. Mais alors, ne m'accuseriez-vous pas de caresser de nouveau une vanité qui devrait être depuis longtemps satisfaite? Lorsque nous donnions quelques relâches à la vivacité de nos plaisirs, Charles s'en faisait un de m'instruire selon l'étendue de ses connaissances. Je recevais comme des oracles toutes les paroles qui sortaient de son adorable bouche, et j'en gravais dans mon cœur jusqu'aux moindres syllabes. La seule interruption que je ne pouvais pas me refuser, c'était ses baisers de ses lèvres, d'où s'exhalait un souffle plus agréable que les parfums de l'Arabie. Je peux dire sans vanité que ses soins ne furent pas infructueux. Je perdis en moins de rien mon air compagnard et mon mauvais accent, tant il est vrai qu'il n'est pas de meilleur maître que l'amour et le désir de plaire. Quant à l'argent, quoiqu'il m'apportât régulièrement tout ce qu'il recevait, ce n'était pas sans peine qu'il me le faisait mettre dans mon bureau. S'il me donnait de la toilette, je l'acceptais uniquement pour lui plaire, pour être plus à son goût. Et telle était ma seule ambition. Je me serais fait un plaisir du plus rude travail. J'aurais usé mes doigts jusqu'aux os, avec joie, pour le faire vivre. Jugez alors si je pouvais admettre l'idée de lui être à charge. Et ce désintéressement de ma part était si peu affecté, il partait si directement de mon cœur, que Charles ne pouvait manquer de s'en apercevoir. S'il ne m'aimait pas autant que je l'aimais, ce qui était le constant et unique sujet de nos tendres discussions, il s'arrangeait tout au moins pour me donner la satisfaction de croire que nul homme au monde ne pouvait être plus aimant, plus sincère, plus fidèle qu'il ne l'était. Comme je ne sortais jamais sans mon amant et que je restais le plus souvent au logis, la Jones me faisait de fréquentes visites. La pénétrante commère ne fut pas longtemps à découvrir que nous avions frustré l'Église de ses droits, ce qui ne lui déplut pas, eu égard au dessein qu'elle ne trouva que trop l'occasion d'exécuter, car elle avait une commission de l'un de ses clients et qui était soit de me débaucher, soit de me séparer de mon amant, à tout prix. Je vivais depuis 8 mois avec cette chère idole de mon âme, et j'étais grosse de 3. Lorsque le coup funeste et inattendu de notre séparation arriva, je passerai rapidement sur ses particularités, dont le seul souvenir me fait frissonner et me glace le sang. J'avais déjà langui 2 jours, ou plutôt une éternité, sans entendre de ses nouvelles. Moi qui ne respirais, qui n'existais qu'en lui, et qui n'avais jamais passé 24 heures sans le voir. Le 3e jour, mon impatience et mes alarmes augmentèrent à un tel degré que je n'ai pu tenir plus longtemps. Je me jetais aux genoux de Madame Jones, la suppliant d'avoir pitié de moi et de me sauver la vie, en tâchant au plus tôt de découvrir ce qu'était devenu celui qui pouvait seul me la conserver. Elle alla, pour cet effet, dans un public house du voisinage, où il demeurait, et envoya chercher la servante du logis, dont je lui avais donné le nom, et qui était à proximité dans une des rues qui rayonnent sur Covent Garden. Cette fille vint immédiatement, et Madame Jones, lui ayant demandé si Charles était en ville, elle répondit que son père, pour le punir d'être avec sa grand-mère en meilleurs termes qu'il n'était lui-même, l'avait envoyé dans un comptoir des mers du Sud, héritage dont il venait de recevoir la vie. Un riche marchand, son propre frère, venait de mourir. Le barbare, d'intelligence avec un capitaine de vaisseau, avait si bien concerté ses mesures que le pauvre malheureux, étant allé à bord du navire, y avait été arrêté comme un criminel, sans pouvoir écrire à personne. La servante ajouta que, bien sûr, cet éloignement de son jeune et gentil maître causerait la mort de sa grand-mère, ce qui se vérifia en effet, car la vieille dame ne survécut pas 1 mois à la fatale nouvelle. Et comme sa fortune était enviagée, elle ne laissa rien d'appréciable à son petit-fils chéri. Mais elle refusa absolument de voir son père avant de mourir. L'artificieuse Jones revint incontinent après, me plonger le poignard dans le sein. en me disant qu'il était parti pour un voyage de 4 ans et que je ne devais pas m'attendre à le revoir jamais. Avant qu'elle eût proféré ses dernières paroles, je tombai dans une faiblesse, suivie de convulsions si terribles que je perdis avant terme, en me débattant, l'innocent et déplorable gage de mon amour. Je ne conçois pas, quand je me le rappelle, que j'ai pu résister à tant de calamités et de douleurs. Quoi qu'il en soit, à force de soins, on me conserva une odieuse vie qui, à la place de cette félicité inexprimable dont j'avais joui jusqu'alors, ne m'offrit tout à coup que des horreurs et de la misère. Je restai pendant 6 semaines appelant en vain la mort à mon secours. Ma grande jeunesse et mon tempérament robuste prirent insensiblement le dessus. Mais je tombai dans un état de stupidité et de désespoir qui faisait croire que je devins folle. Néanmoins, le temps adoucit petit à petit la violence de mes peines et en émoussa le sentiment. Mon obligeante hôtesse avait eu soin, pendant tout cet intervalle, que je ne manquasse de rien. Et quand elle me crut dans une condition à pouvoir répondre à ses vues, elle me félicita sur mon heureux rétablissement en ces termes. « Grâce à Dieu, Miss Fanny, votre santé n'est pas mauvaise à présent. Vous êtes la maîtresse de rester chez moi tant qu'il vous plaira. Vous savez que je ne vous ai rien demandé depuis longtemps. Mais franchement, j'ai une dette à laquelle il faut que je satisfasse, sans différer. » Et après ce bref exorde, elle me présenta un arrêté de compte pour logement, nourriture, apothicaire, etc. Somme totale, 23 livres sterling, 17 shillings et 6 pence. Ce que la perfide, qui connaissait le fond de ma bourse, savait bien que je ne pouvais pas payer. En même temps, elle me demanda quels arrangements je voulais prendre. Je lui répondis, fondant en larmes, que j'allais vendre le peu de hard que j'avais et que si je ne pouvais faire toute la somme, j'espérais qu'elle aurait la bonté de me donner du temps. Mais mon malheur favorisant ses lâches intentions, elle me répondit froidement que, quoiqu'elle fût touchée jusqu'au fond de l'âme de mon infortune, l'état actuel de ses affaires la mettrait dans la cruelle nécessité de m'envoyer en prison. À ce mot de prison, tout mon sang se glaça, et je fus tellement épouvantée que je devins aussi pâle qu'un criminel à la vue du lieu de son exécution. Cette méchante femme, qui craignait que ma frayeur ne ruinât ses desseins, en me faisant retomber malade, commença à se radoucir et me dit que ce serait ma propre faute si elle en venait à de semblables extrémités, mais que l'on pouvait trouver un honnête homme dans le monde, assez généreux, pour terminer cette affaire à notre satisfaction mutuelle, et qu'il viendrait un très honorable gentleman cet après-dîner prendre le thé avec nous, qui sûrement serait fort aise de me rendre ce service. À ces mots, je restais muette, confondu. Cependant, Madame Jones, ayant ainsi arrangé son plan, jugea à propos de me laisser quelques moments à mes réflexions. Je demeurai près d'une heure, abîmé dans les idées les plus horribles que la crainte, la tristesse et le désespoir puissent causer. La scélérate revint à la charge, et feignant d'être touchée de mes malheurs, elle me dit qu'elle voulait me présenter au gentleman, qui, par ses sages avis, me fournirait les moyens de me tirer d'embarras. Après quoi, sans se mettre en peine que je l'approuvasse ou non, elle sort et rentre immédiatement, suivie du gentleman, dont elle avait été en maintes occurrences, comme en celle-ci, l'empressée pourvoyeuse. Il me fit une profonde révérence, à laquelle je répondis aussi froidement qu'il est naturel de répondre aux civilités de quelqu'un qu'on ne connaît point. Madame Jones, prenant sur elle de faire les honneurs de cette première entrevue, lui présenta une chaise et en prit une pour elle-même. Cependant, pas un mot, ni de part, ni d'autre. Un regard stupide et effaré était l'interprète de la surprise où m'avait jeté cette étrange visite. On servit le thé. Ma digne hôtesse, enfin, ne voulant pas perdre son temps, rompit le silence. « Allons, Miss Fanny, » dit-elle dans un style aussi rude que familier et d'un ton d'autorité. « Levez la tête, mon enfant. Ne laissez point détruire un si joli minois par le chagrin. Au bout du compte, le chagrin ne doit pas être éternel. Allons un peu de gaieté. Voici un honorable gentleman qui a entendu parler de vos malheurs et veut vous faire plaisir. Croyez-moi, ne refusez pas sa connaissance. Et sans vous piquer d'une délicatesse hors de saison, faites un bon marché, tandis que vous le pouvez. » Mon inconnu, qui vit aisément qu'une aussi impertinente harangue était moins propre à me persuader qu'à m'irriter, lui fit signe de se taire. Alors, prenant la parole, il me dit qu'il partageait bien sincèrement mon affliction, que ma jeunesse et ma beauté méritaient un meilleur sort, qu'il ressentait depuis longtemps une violente passion pour moi, mais que, connaissant mes engagements secrets avec un autre, il les avait respectés aux dépens de son repos, jusqu'à ce que la nouvelle de mon désastre, en réveillant son respectueux amour, l'avait enhardi à venir m'offrir ses services. À peine arrivé de la haie, où il avait dû se rendre pour affaires urgentes au début de ma maladie, et que la seule faveur qu'il exigeait de moi était que je daignasse les agréer. Tandis qu'il me parlait ainsi, j'eus le temps de l'examiner. Il me parut un homme d'environ 40 ans, vêtu d'un costume simple et uni, avec un gros diamant à l'un de ses doigts, dont l'éclat frappait mes yeux lorsqu'il agitait sa main en parlant et me donnait une plus haute idée de son importance. Bref, il pouvait passer pour ce qu'on appelle communément un bel homme brun, avec un air de distinction naturelle à sa naissance et à sa condition. Je ne lui répondis qu'en versant un torrent de larmes, et ce fut un bonheur pour moi que mes sanglots étouffassent ma voix, car je ne savais que lui dire. Quoi qu'il en soit, la situation attendrissante où il me vit le frappa jusqu'au fond du cœur. Il tira précipitamment sa bourse et paya, sans différer, jusqu'au dernier farthing, tout ce que je devais à Madame Jones. Il en prit une quittance en bonne forme qu'il me força de garder. Cette infâme racoleuse n'eut pas plutôt touché son argent qu'elle nous laissa seuls. Cependant, le gentleman, qui n'était rien moins que neuf dans de pareilles affaires, s'approcha d'un air officieux et, du coin de son mouchoir, m'essuya les pleurs qui me baignaient le visage. Après quoi, il s'aventura à me donner un baiser. Je n'eus pas le courage de faire la moindre résistance, me regardant dès lors comme une marchandise qui lui était dévolue par le déboursé qu'il venait de faire. Insensiblement, il me mania la gorge. Enfin, me trouvant docile au-delà de ses espérances, il fit de moi tout ce qu'il voulut. Quand il eut assouvi sa brutalité sans nul respect pour ma déplorable condition, mes yeux se dessillèrent et je gémis, trop tard à la vérité, de la honteuse faiblesse à laquelle je venais de succomber. Je m'arrachais les cheveux, je me tordais les mains, je me frappais la poitrine comme une folle. Si quelqu'un m'eût dit quelques instants auparavant que je serais infidèle à Charles, j'aurais été capable de lui cracher au visage. Mais hélas, notre vertu et notre fragilité ne dépendent que trop souvent des circonstances où nous nous trouvons. Séduite comme je le fus à l'improviste, trahie par un esprit accablé sous le poids de ses afflictions, saisie des plus grandes frayeurs à l'idée seule de prison, ce sont des conjonctures bien délicates. Et sans chercher à m'excuser, il n'en est guère qui pût répondre de ne pas commettre la même faute dans un cas pareil. Au reste, comme il n'y a que le premier pas qui coûte, je crus que je n'étais plus en droit de refuser ses caresses après ce qui s'était passé. Suivant cette réflexion, je me regardais comme lui appartenant. Néanmoins, il eut la complaisance de ne pas tenter sitôt la répétition d'une scène à laquelle je ne m'étais prêté que machinalement et par un sentiment de gratitude. Content de s'être assuré ma jouissance, il voulut désormais s'en rendre digne par ses bons procédés et ne devoir rien à la violence. La soirée étant déjà avancée, on vint mettre le couvert, et j'appris avec joie que la Jones, dont l'aspect m'était devenu insupportable, ne serait pas des nôtres.